Tristesse d'Olympio. En octobre 1837, c'est solitaire que Victor Hugo accomplit un pèlerinage dans ces lieux où, tout à l'ivresse de son amour pour l'actrice Juliette Drouet, il avait installé, durant les automnes 1834 et 1835, dans une maison de paysans près de Versailles. Les champs n'étaient point noirs, les cieux n'étaient pas mornes, non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes sur la terre étendue. L'air était plein d'encens et les prés de verdure. Quand il revit ces lieux, où partant de blessures, son cœur s'est répandu. L'automne souriait. Les coteaux vers la plaine penchaient leurs bois charmants qui jaunissaient à peine. Le ciel était doré. Et les oiseaux, tournés vers celui que tout nomme, disaient peut-être à Dieu quelque chose de l'homme, chantaient leur chant sacré. Il voulut tout revoir, l'étang près de la source, la masure où l'aumône avait vidé leur bourse, le vieux frêne plié, les retraites d'amour au fond des bois perdues, l'arbre où dans les baisers leurs âmes confondues avaient tout oublié. Il chercha le jardin, la maison isolée, la grille d'où l'œil plonge en une oblique allée, les vergers en talus. Pâle, il marchait. Au bruit de son pas grave et sombre, il voyait à chaque arbre, hélas, se dresser l'ombre des jours qui ne sont plus. Il entendait frémir dans la forêt qu'il aime ce doux vent qui, faisant tout vibrer en nous-mêmes, y réveille l'amour. Et remuant le chêne ou balançant la rose, semble l'âme de tout qui va sur chaque chose se poser tour à tour. Les feuilles qui gisaient dans le bois solitaire, s'efforçant sous ses pas de s'élever de terre, courait dans le jardin. Ainsi, parfois, quand l'âme est triste, nos pensées s'envolent un moment sur leurs ailes blessées, puis retombent soudain. Il contempla longtemps les formes magnifiques que la nature prend dans les champs pacifiques. Il rêva jusqu'au soir. Tout le jour, il erra le long de la ravine, admirant tour à tour le ciel, face divine, le lac, divers miroirs. Hélas, se rappelant ses douces aventures, regardant sans entrer, par-dessus les clôtures, ainsi qu'un paria, il erra tout le jour. Vers l'heure où la nuit tombe, il se sentit le cœur triste comme une tombe. Alors, il s'écria « Ô douleur, j'ai voulu, moi dont l'âme est troublée, savoir si l'urne encore conservait la liqueur, et voir ce qu'avait fait cette heureuse vallée de tout ce que j'avais laissé, là, de mon cœur. Que peu de temps suffit pour changer toute chose, nature au front serein, comme vous oubliez, et comme vous brisez dans vos métamorphoses les fils mystérieux où nos cœurs sont liés. »